Les gens communiqueront, puis ils se rencontreront, puis ils se sauront, puis bon. C'est pour ça que je dis, on parle souvent de on parle de la descente de la conscience supramentale sur la Terre. Elle est en train de descendre. Et la descente est rough. Il y en a un qui explique comment ça marche, puis ensuite elle descend. Quand je suis avec vous autres, ça va bien. Quand vous serez seul, vous serez obligé de vous organiser selon votre intelligence. Puis la laissez pas. Il y aura des gens qui pourront commencer ce processus. Même lui, il y a eu une amélioration là-dedans. Parce que c'est pas un cadeau, il est les Michel. Mais il devient un cadeau. Lui qui a du monde qui parle en avant, ça n'intéresse pas. Avant. Là, c'est moins petit. C'est moins frustrant. Et c'est ça qu'il faut voir. Moi, c'est ça que je vois. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas la réaction des Michaud. Je m'en crisse comme dans l'an 40. Et Michaud chie ce qui s'en va, les Michaud. Mais, de voir ça. C'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui me permet d'aimer le monde, parce que si j'avais pas ça, que serait mon cas. Parce que j'ai pas besoin de personne. Je m'en irais. Le temps que je donne à l'homme. Fait que l'homme, s'il avance de même ou de même, du moment qu'il avance, c'est ça que je me laisse. Il faut que l'homme avance. Il faut que l'homme se donne la chance de voir l'autre qui rentre. Ils disent que le développement de la conscience supramentale sur la Terre, c'est constamment un acte d'humilité. Constamment. Soit interne ou externe, mais c'est constamment un acte d'humilité. Parce qu'on est constamment dans notre ego bafoué. Soit de l'interne, ce qui nous amène à développer l'intelligence et la volonté, soit de l'externe, qui nous amène à contenir les réactions émotives et intellectuelles. Donc, d'un bord ou de l'autre, on est bafoué. C'est pour ça qu'éventuellement, on devient extrêmement centré. Pour devenir. Et quand on a de l'énergie, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Non.